bonjour les amis, vous êtes bien sûr Fat Jack en train de se prendre pour l'émission Cold Epilogue. J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien en ce jeune dimanche soir. Alors les amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, un peu fatigué car il faut pas oublier qu'on est dimanche soir, fin de semaine, demain c'est lundi, aïe aïe aïe, ça fatigue un petit peu tout ça. Mais si vous êtes un peu comme moi, et ben pas de panique, j'ai ce qu'il faut. J'ai 8 artistes fabuleux, merveilleux, talentueux à vous faire écouter pour nous réveiller un petit peu. Allez, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Alors, nous avons Sting, Shaggy, Ryan, Camille, Lilywood, sans oublier Japonaise, Vanupier, Placo et Edouard Maya. Allez, notre premier artiste m'a été demandé par une auditrice qui m'a contacté par message. Elle m'a dit « Kenny, fais-nous passer Sting, Shaggy, ce dimanche-ci, s'il te plaît. » Alors du coup, pour lui faire plaisir, je vais vous passer directement Sting, Shaggy, Don't Make Me Wait. Allez, c'est parti les amis. Don't make me wait. Don't make me wait in vain. Love you. Can't wait to get my last name. Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. It didn't take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love. Voilà, mes Rasta, cette chanson était pour Emmanuel à qui je fais un gros coucou. Allez, notre prochain chanteur est Karim, il va chanter Mama. Vous allez voir, c'est juste super. C'est parti. Ru time. Now, quand reggae music s'occupe de réchauffer nos âmes. Roots time in a the place. Roots time in a the. Roots time in a the place, my friends, yow. Roots time in a the place. Now, quand reggae music s'occupe de réchauffer nos âmes. Roots time in a the place. Roots time in a the. Roots time in a the place, my friends, yow. J'ai besoin de ce son pour ressentir les vibrations, stimuler mon imagination. Reggae music commande mon addiction, mon exutoire, mon refuge, mon moyen d'expression. Au royaume du capitalisme, on nous fait croire que le progrès se nomme l'individualisme. Non, je viens chanter le cœur léger, convaincu que dans la vie le plus important c'est de partager. Roots time in a the place now. Ton reggae music s'occupe de réchauffer nos âmes. Roots time in a the place. Roots time in a the. Roots time in a the place, my friend. Pour rythmer ma réflexion, élargir mon champ de vision. Aussi je n'ai pour ambition que de mélanger les opinions, pour me poser les bonnes questions dans ce monde où la tolérance a depuis trop longtemps laissé place à la méfiance. Je partirai comme je suis venu, oh, ouvrir mon cœur à l'inconnu, oh. Reggae music against the Babylon system. L'amour, la paix et l'unité, au risque de passer pour des fous utopistes immatures et insensés. Insensés, nous le sommes, nous ne sommes que des hommes, prisonniers du système de Babylone. Jeanne m'apercevoir que je vous ai dit une grosse bêtise, car c'était pas Karim Mama mais bel et bien Ryan Roots Time. J'en suis sincèrement désolé, comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est dimanche soir et je suis un petit peu fatigué, donc il faut me pardonner. Mais là, je vais vraiment vous passer Karim Mama, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est juste super. Allez, c'est parti. Maman ne dort jamais. elle pense toujours à son enfant. Alors si vous avez encore une maman, profitez-en et dites-lui que vous l'aimez. Pour l'instant, je reste à l'école. Souvent, je t'ai pas écouté. Tu m'as toujours donné la main. Je veux que tu restes à mes côtés pour avoir un meilleur lendemain. Tu m'as dit, fais attention à toi. Les jaloux sont autour de moi. Je me suis toujours confié à toi. Aujourd'hui, tu peux être fière de moi. Tu m'as dit, fais attention à toi. Les jaloux sont autour de moi. Je me suis toujours confié à toi. Aujourd'hui, tu peux être fière de moi. Tourner la page, au contraire je veux l'éviter. Je sais que j'ai des grands défauts, souvent tu me l'as répété. Comment te résumer en un mot, tu resteras ma bien-aimée. Tu m'as dit fais attention à toi, les jaloux sont autour de moi. Je me suis toujours confiée à toi, aujourd'hui tu peux être fière de moi. Tu m'as dit fais attention à toi, les jaloux sont autour de moi. Je me suis toujours confiée à toi, aujourd'hui tu peux être fière de moi. Natacha, Monique, Catherine, Soudavon, Marine, Madeleine, Adam, Khadija, Violetta, Jacqueline, Ludivine, Fatima, Brigitte, Nadège, Laetitia, Viviane, Angélique, Mariama, Annie, Juliane, Fatimata. Grosse dédicace à vous. Eh bien voilà les amis, c'était Karim Mama. Et pour continuer cette émission, mes amis, je vous propose qu'on passe à une femme. Son nom est Lily Wood et elle va nous interpréter Prayer in C, mais en façon reggae. Allez, let's go! Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. Our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. I bien voilà, mes Rasta, c'était Lilywood, Prayer in C. Allez, notre cinquième artiste se nomme Japanese. Il va nous chanter Dancehall Macarena. Et on se retrouve juste après. En Puerto Rico lo pidieron también. Panamá lo pidió también. En Chile lo pidieron también. Y en Colombia lo pidieron también. Dominicana me pidió el danzar. Venezuela me pidió el danzar. Los latinos quieren danzar. Y en España me pidieron danzar. Todo mundo quiere danzar. Macarena, Macarena, Macarena, danzar, Macarena. Todo mundo quiere danzar. Macarena, danzar, Macarena. Todo mundo quiere danzar. Macarena, Macarena, Macarena, danzar, Macarena. Todo mundo quiere danzar. Macarena, danzar, Macarena. Tata la Macarena. Ya yo me acostumbre. Con ella me quedo en la perdidumbre. Que me ame aunque el diablo me lleve. Esto es hasta que el amor no se lleve. Belle, belleza de caserío. Hermosa, preciosa, si le gusta el lío. Mi pollito que le pitan pío, pío. Y todo lo que lleva ella es mío. Mío nada más y yo no lo comparto. Costumbre, mi amor, lo vamos pa'l cuarto. Y me jalto toda la noche entera. Danza el Macarena. This is the remix. Jamaican Japanese. Japanese. Japanese. Remix. And we say dancing where everybody Macarena. Try. Jamaican say dancing make the world remix. Fly. Bring your dance for me, love it, love it. Crazy Christian dance, watching like a lot of TV. Everybody do the dancehall Macarena, Macarena, Macarena, dancehall Macarena. Everybody do the dancehall Macarena, do the dancehall Macarena. Todo mundo quiere dancehall Macarena, Macarena, Macarena, dancehall Macarena. Todo mundo quiere dancehall Macarena, dancehall Macarena. Los manes quieren playa, bikini verano. Baila Macarena, metido en arena. Que alcen la mano, la guía le más buena. No quieren cerveza, quieren bucana. Quieren whisky hasta la mañana. Pasarlo al bar, Johnny Walker Black. Puro tiempo de Biggie Tupac. Díselo J5. Everybody do the dancehall Macarena, Macarena, Macarena, dancehall Macarena. Everybody do the dancehall Macarena, do the dancehall Macarena. Everybody do the dancehall Macarena, Macarena, Macarena, dancehall Macarena. Everybody do the dancehall Macarena, do the dancehall Macarena. Hey yo, Japanese, them say them want the remix. Crying. We get the remix, you see me? Albisi, Japanese, LH. Pegelina, pegelina motion, pegelina, pegelina motion, pegelina. Pegelina motion, ride it sweet on the bicycle seat. Tócale la, tócale la moto. Tócale la, tócale la moto. Tócale la, tócale la moto. Bájale el panty, quítale la ropa. Tócale la, tócale la moto. Tócale la, tócale la moto. Tócale la, tócale la moto. Bájale el panty, quítale la ropa. In a bicycle time, this ain't no PBS. So go and bust a trick on the BMX. So you love me, but you not see me yet. Girl, wind up that thing, you not give me yet. En el culeco te formó la tiradera, la tocadera, la rochadera. El que toca aquí, toca moto. El que toca allá, toca nalga. Y en el culeco no hay pero que valga. Mójale la blusa, mójale la tanga. Que el marido está dormido, está en panga. Y más tarde dale su tanga. Eh bien voilà les amis, c'était Dancehall Macarena. Allez, l'artiste suivant est Vanupier, un artiste de reggae français que j'adore. Et il va chanter Good Morning. Allez, let's go. Close out. let's all dance around your music. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance around reggae music. Les amis, c'était Va-nu-pied, Good Morning. Allez, notre avant-dernier chanteur est Blacko. La chanson, se nomme Il n'y a pas de mérite. C'est juste un petit extrait de 1 minute, car malheureusement, la chanson d'origine ne voulait pas passer. Il y a beaucoup de problèmes. Du coup, voilà, juste un petit extrait comme ça, ça suffit amplement. Allez les amis, y a pas de mérite de Blacko, c'est tout de suite, c'est parti. Quand tu lèves la main sur ton gosse, quand il part à l'école avec tes bosses, dis-moi, te sens-tu fort? Quand sous alcool tu frappes la femme, quand elle a peur, quand ses yeux se remplissent de larmes, hey, te sens-tu fort? Quand tu prends soi-disant des vacances, quand tu pars à l'étranger pour aller briser une enfance, te sens-tu fort? Quand tu vends la mort en bas dans la rue, quand tu profites de la faiblesse d'une âme perdue, quand tu insultes ou parles mal à celle qui t'a porté pendant 9 mois, te sens-tu fort? Quand tu raquettes ou victimises quelqu'un qui est plus faible que toi, te sens-tu fort? Mais dis-moi où est le mérite, j'arrive pas à comprendre, peux-tu m'expliquer? Sur ton cas, faut que tu médites. Man ouvre les yeux et vois la vérité. Se croire fort quand on est faible, se croire digne quand on l'est pas. Quel talent, quelle valeur, ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur, se croire fort quand on est faible, se croire digne quand on l'est pas. Quel talent, quelle valeur, ne pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur, quel talent, quelle valeur, quelle vertu, quel honneur. Et bien voilà, c'était le petit extrait de Blacko, Il n'y a pas de mérite. Allez, notre dernier chanteur se nomme Edouard Maya. La chanson est Stereo Love et on se dira au revoir tout à l'heure, écoutez. Allez, c'est parti les amis. Thank you. Et bien voilà les Merasta, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, une bonne semaine à tous, et on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde.